depuis ce matin 6 heures. Je suis devant ma machine, j'ai encore à faire 3 heures pour sortir de l'usine. Et derrière moi depuis ce matin, il y a ce maudit petit chef qui se prend pour un mandarin avec son couvre-chef. Et moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie de mourir. Et moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie. Ils ont déjà tué mon père à la production. Ils ont fatigué ma mère pour les allocations. Ils ont normalisé mon frère dans l'éducation. Ils ont violé ma sœur, la mère est à l'instruction. Et moi j'en ai marre. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie de mourir. Moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie de mourir. S'étonne pas si un jour je prends un fusil, que je tire dans le tas. Bourgeois, ta vie ne tient qu'à un fil, et puis on m'enfermera après être passé en justice. Et on me suicidera, on pleure pas. Un terroriste, et moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie de mourir. Et moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir. J'en ai plein le tiroir, j'ai envie de mourir. Matin 6 heures, je suis devant ma machine, j'ai fait mes 8 heures, je sors de l'usine, je vais rentrer dans mon HLM prison où les enfants ne jouent plus parce qu'il n'y a plus de gazon. Ça faisait baisser la plus-value. Et moi j'en ai marre qu'il me fasse vieillir.